Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la guerre d'Irak et les médias américains. President George W. Bush has launched war against Saddam Hussein. We can tell you that these targets of opportunity have been hit. It all started about 4 hours and 20 minutes ago at 9:42 p.m. Eastern time. That would have put it at 5:42 a.m. Baghdad time, just as day was breaking. C'est dans la nuit du 20 au 21 mars 2003 que débute l'offensive américaine contre le régime de Saddam Hussein en Irak, l'opération Liberté pour l'Irak, menée pour l'essentiel par les Américains et les Britanniques, conduit à la chute rapide du dictateur irakien, mais se transforme rapidement en cauchemar pour les Américains qui mettront presque 10 ans à se sortir du bourbier qu'ils ont créé. Mais l'histoire de ce fiasco politique pour les Américains en Irak, c'est aussi l'histoire de l'une des couvertures médiatiques les plus complaisantes de toute l'histoire du journalisme aux États-Unis. And I mentioned before, look, we ended the Gulf War probably 24 hours too soon. We now know that. Comme je l'ai déjà mentionné, nous avons probablement terminé la guerre du Golfe 24 heures trop tôt. Nous savons maintenant, et nous l'avons répété, que Saddam Hussein, s'il n'est pas lié à cela, il est lié à d'autres choses. Il fait partie de cette haine de l'Amérique. Vous devez comprendre que j'ai vu Saddam Hussein de très près, les yeux dans les yeux. When his feet hit the floor every morning, he dreams of leading a victorious Arab army into Jerusalem. Quand ses pieds touchent le sol chaque matin, il rêve de mener une armée arabe victorieuse à Jérusalem et il se voit comme le nouveau Saladin. Sa haine envers nous est profonde. Je n'aime pas utiliser le mot haine, mais c'est exactement ce dont il s'agit et nous devons nous réveiller. C'est un nouveau monde maintenant et nous nous dirigeons vers un nouveau monde, David. Wake up, it's a new place now and we're headed to a new place, David. Le célèbre présentateur américain des nouvelles au réseau américain CBS, Dan Rather, en entrevue à l'émission de David Letterman le 17 septembre 2001, quelques jours seulement après les attentats du 11 septembre qui vont conduire à la guerre en Afghanistan d'abord dès le mois d'octobre 2001, puis à la guerre en Irak dès le mois de mars 2003, pour nous expliquer le contexte qui va mener à cette guerre d'Irak, pour nous décrire aussi la nature de la couverture médiatique qu'offriront les médias américains de cette guerre. Je retrouve Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Commençons par cet extrait qu'on vient d'entendre, Karine Prémont. C'est très, très révélateur du climat qui règne aux États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001. C'est à partir de ce moment-là, dès ce moment-là, quelques jours après les attentats du 11 septembre, Karine Prémont, que d'abord, l'administration Bush cible Saddam Hussein et que les grands médias américains et leur principale tête d'affiche, on vient d'entendre Dan Rather chez David Letterman, que ces gens-là, donc, embrassent complètement cet argumentaire qui va mener à la guerre de l'administration Bush. Exactement, parce que il faut se remettre dans le contexte aussi du 11 septembre 2001, des attentats, et c'est ça qui va expliquer en partie cette couverture complaisante dont vous avez parlé des médias, parce que les journalistes se sont sentis personnellement attaqués aussi le 11 septembre. Ils ont vécu cette journée-là avec la même stupeur, la même émotion que l'ensemble des Américains et du monde, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, vont se sentir d'abord Américains et ensuite journalistes. Et c'est dans cette façon-là de fonctionner, de comprendre le monde, qu'ils vont ensuite couvrir la guerre en Irak. Les États-Unis ont été frappés au cœur même de ce qu'est ce pays, Washington, New York. Les États-Unis sont en guerre et les journalistes sont en guerre. Les journalistes sont en guerre également parce que ils ont vraiment l'impression de devoir défendre leur pays, de devoir défendre les valeurs pour lesquelles ils travaillent, aussi la liberté d'expression, la démocratie. Alors, ils vont avoir également offert une couverture médiatique que les gens ont appréciée pendant les événements du 11 septembre et les semaines qui ont suivi. Alors, très rapidement, ils vont vouloir reproduire ce modèle patriotique, ce modèle justement complaisant à l'égard de l'administration. Et qui se voit, qui s'entend, bien sûr, dans les commentaires qu'on peut voir ou entendre à la radio, à la télévision, mais qui se voit aussi, là, il y a des drapeaux américains partout. C'est le délire, complètement. C'est le délire. Dans la couverture médiatique. Et en fait, un petit mot encore pour enfoncer le clou, mais on va le démontrer tout au cours de l'émission. Autant cette histoire-là va être un fiasco, je le disais, sur le plan politique, c'est un fiasco, cette guerre-là, pour l'administration Bush, pour les États-Unis. Autant, C'est un des pires exemples de couverture médiatique aux États-Unis. Oui, parce qu'on n'a pas retenu les leçons des guerres du Vietnam, de la guerre du Golfe Persique, par exemple. On n'a pas retenu ces leçons de la mesure, de la tempérance, de l'objectivité, de distinguer ce « nous » et ce « eux », parce que les journalistes, quand ils expliquent la guerre, quand ils parlent de la guerre en Irak, ils vont dire « nous sommes en guerre, nous sommes maintenant à tel endroit, ouais. nos soldats font telle chose », donc ils ne prennent aucune distance, en fait, avec les événements qui se déroulent, et c'est ça qui fait en sorte que la couverture ne peut pas être rigoureuse, ne peut pas être comme elle devrait l'être dans des périodes aussi troubles. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax. L'Irak continue de répandre son hostilité envers l'Amérique et de soutenir la terreur. Le régime irakien a comploté pour développer l'anthrax, les gaz neurotoxiques et les armes nucléaires pendant plus d'une décennie. C'est un régime qui a déjà utilisé du gaz toxique pour assassiner ses propres citoyens par milliers, en abandonnant les corps des mères recroquevillées sur leurs enfants morts. C'est un régime qui a accepté les inspections internationales, mais qui a expulsé les inspecteurs. C'est un régime qui a quelque chose à cacher au monde civilisé. From the civilized world, states like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Des États comme ceux-ci et leurs alliés terroristes constituent un axe du mal suffisamment armé pour menacer la paix dans le monde. En se procurant des armes de destruction massive, ces régimes en sont venus à constituer un danger grave et croissant. Ils pourraient fournir ces armes aux terroristes et leur haine commune pourrait se rejoindre. Ils pourraient attaquer nos alliés ou tenter de faire chanter les États-Unis. Dans tous les cas, le prix de notre indifférence serait catastrophique. In any of these cases, the price of indifference would be catastrophic. C'est ce discours sur l'état de l'Union que prononce le président américain George W. Bush le 29 janvier 2002, qui est un petit peu le point de départ officiel, Karine Prémont, de ce qui va conduire à la guerre d'Irak en 2003. D'ailleurs, on l'entend à peu près, le gros en tout cas de l'argumentaire, il est déjà là. Ce qui est fascinant de ce discours, c'est ce qui va suivre, la réaction des médias américains, qui va être aussi très révélatrice de ce qui s'en vient. Comment ils vont réagir, les médias américains, à la suite de ce discours de l'état de l'Union? Généralement, les principaux médias américains sont très satisfaits de ce discours-là. Ils considèrent que ce sont ces mots-là qui devaient être prononcés. C'est cette façon de voir les choses qui devait être mise en place. Et George W. Bush, d'ailleurs, va être encensé par la critique pour son leadership. Ouais. Et on se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps avant ça, on le critiquait beaucoup parce qu'il ressortait vainqueur de cette élection controversée de 2000 où on remettait beaucoup son leadership en jeu. Et là, soudainement, à partir de ce discours-là, à partir des événements du 11 septembre, mais en particulier aussi à partir de ce discours-là, soudainement, on va mettre l'accent sur son côté rassembleur, sur sa fermeté, sur sa capacité de rallier tout le monde, en fait, et de vouloir défendre les États-Unis de ses agresseurs. On l'a déjà dit dans d'autres émissions, mais au fond, assez paradoxalement, il y a quelque chose de très cynique là-dedans, mais c'est les attaques du 11 septembre qui sauvent un peu la présidence de George Bush. C'était très, très mal parti pour lui, là. Exactement. Ce sont ces attentats-là qui vont définir sa présidence de façon très clair. Ouais. Après ce discours sur l'état de l'Union, George Bush va dépêcher les principaux ténors de son administration. Ils partent vraiment en campagne, dans les médias, justement, dans les médias américains, pour convaincre l'opinion publique américaine de la nécessité d'intervenir en Irak. Quel message ils envoient ces différents... Ils sont quelques-uns, là, ces différents ténors aux Américains. Rumsfeld, en particulier, secrétaire à la Défense, Cheney, le vice-président, Condoleezza Rice, qui est conseillère à la Sécurité nationale, qui vont être les représentants de cette fantastique machine de relations publiques de l'administration Bush. Et ils vont véhiculer deux messages dans les médias à partir de ce moment-là. Tout d'abord, qu'il y a des armes de destruction massive en Irak. On l'a entendu dans le discours de Bush. Il y avait plein de preuves du contraire. Bush affirme dans son discours que Saddam Hussein a mis à la porte les inspecteurs, mais l'ONU en a fait des inspections. Hans Blix était le chef de ces inspections-là. Il a vu qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré l'absence de ce type d'armes-là en Irak, il y a encore aujourd'hui 22 % des Américains qui croient qu'il y en avait. Et à peu près autant... On a tellement dit qu'il y en avait... Que c'est devenu un fait avéré, d'une certaine façon. Donc, les gens y croient encore et il y a encore autant de gens qui pensent que Saddam Hussein les a utilisés contre les soldats américains sur place. Alors, ce message-là, clairement, il est passé auprès de la population. Et le deuxième message, bien qu'on n'ait jamais prononcé exactement ces mots-là, mais c'était sous-entendu dans à peu près tous les discours, c'était les liens entre Al-Qaïda et Saddam Hussein, malgré toute l'incongruité de cette chose-là, puisque Saddam Hussein était un socialiste laïque et Al-Qaïda était un groupe religieux, comme on le sait. À ce moment-là, il y a presque 60 % des Américains qui croient à ces liens entre Hussein et Al-Qaïda. Aujourd'hui, il y en a encore 42 % des Américains. Ouais. C'est tout à fait extraordinaire. Et 69 % des Américains pensaient que Saddam Hussein était d'une façon ou d'une autre derrière les attentats du 11 septembre. Alors, on peut dire que cette machine, cette mise en scène de la guerre a parfaitement fonctionné. Ces deux messages-là ont passé de façon très claire au sein de la population. Mise en scène, encore une fois, qui pose et qu'embrasse les grands médias américains. Une autre preuve de ça, c'est le peu de poids qu'on va accorder aux voix discordantes, parce qu'il y en a. Il y a des gens aux États-Unis, comme à l'étranger, qui disent attention, là, on assiste à du n'importe quoi, il faut pas. La solution, c'est pas une guerre en Irak, mais. Quel genre d'écho trouvent ces voix-là, Karine Prémont? Ces voix-là, généralement, sont très peu entendues. Il faut savoir que dans tous les reportages qu'on va entendre pendant la guerre, mais aussi avant, il y a à peine 3 % des sources qui sont contre la guerre ou qui élèvent des critiques à l'endroit de cette guerre-là, et pas des moindres. On parle d'anciens membres de l'administration de Bush père, notamment Brent Scowcroft, Lawrence Eagleburger, James Baker, donc des gens qui ont une expérience, qui ont fait la guerre du Golfe et qui avaient décidé alors de ne pas renverser Saddam Hussein parce qu'ils pressentaient le désordre que ça pourrait créer dans la région et qui donc vont s'opposer à cette guerre en 2003. Des chefs militaires aussi qui étaient présents pendant la guerre du Golfe, Norman Schwarzkopf, Wesley Clark également. Mais tous ceux et celles qui risquent l'opposition se voient discrédités, se voient ridiculisés. On peut penser à Joseph Wilson, cet ambassadeur qu'on avait envoyé pour voir s'il y avait un lien entre l'uranium africain et Saddam Hussein, parce qu'on présupposait, selon les renseignements britanniques, que Saddam Hussein tentait d'obtenir de l'uranium du Niger en particulier. Et Wilson avait écrit des éditoriaux dans les journaux en disant « il n'y a rien là ». Et donc, l'administration Bush a révélé que la femme de Wilson était une agente de la CIA. Donc, on discréditait toutes les voix qui s'élevaient contre la guerre. Ouais, même chose à l'international. Même chose à l'international. On se rappelle des fameuses Freedom Fries qui remplaçaient les French Fries parce qu'on sentait que les Français ne nous appuyaient pas dans cette bataille contre l'Irak. Alors, les médias ont suivi le jeu de l'administration en discréditant complètement toutes les voix qui s'élevaient contre cette guerre-là. Souvent, les taxants d'antipatriotes, d'anti-américains. Ouais. Donc, les gens avaient très peu de cette liberté d'expression. Ici, aux États-Unis, en tout cas pour ce qui est de l'opinion publique, la machine propagandiste a réussi son job, c'est-à-dire qu'il y a un grand, grand soutien assez rapidement des Américains à cette idée d'une éventuelle intervention en Irak. C'est sur la scène internationale que c'est vraiment pas joué. Et le plan des États-Unis, c'est d'abord de convaincre les Nations unies, les pays membres des Nations unies, de leur donner cette espèce de feu vert pour une intervention en Irak. Évidemment, ça marchera pas, mais c'est sur le plancher de l'Assemblée générale des Nations unies, du Conseil de sécurité, que va se jouer cet effort diplomatique américain. C'est beaucoup là que ça va se jouer. Et c'est, entre autres, une date assez importante, un certain discours d'un certain Colin Powell en février 2003 qui va faire, pour les bonnes ou les mauvaises raisons, qui va faire l'histoire. C'est un exposé méthodique et détaillé que le secrétaire d'État américain a fait devant le Conseil de sécurité. À ce sujet, Colin Powell a présenté des photos montrant que les Irakiens avaient détruit des bunkers qui contenaient des munitions chimiques avant que les inspecteurs ne viennent les visiter. Saddam Hussein a directement participé dans l'effort. Puis Colin Powell s'est lancé dans un exposé sur le programme d'armes de destruction massive mené par les Irakiens. Il ne fait aucun doute pour les États-Unis que Bagdad dispose d'armes biologiques et chimiques extrêmement dangereuses et que ces armes peuvent être produites dans ces usines mobiles. Il y en aurait 18 au total, facilement dissimulables dans des camions-remorques banalisés. Va-t-on attendre, dit Colin Powell, que les inspecteurs puissent trouver un de ces camions sur les milliers de kilomètres d'autoroutes irakiennes? La Maison-Blanche estime que Bagdad dispose d'entre 100 et 500 tonnes d'agents chimiques et que ces armes chimiques ont été testées au cours des dernières années sur plus de 1 500 prisonniers irakiens. Catherine François, Radio-Canada, Montréal. Que dire de cette fameuse mise en scène de février 2003 aux Nations unies, Karine Prémont? D'abord, c'est pas anodin qu'on envoie Colin Powell, parce que c'est la colombe de cette administration-là. C'est celui qui a le plus de réticence à aller en guerre. Étant un ancien militaire, il en connaît le prix, il en connaît l'effort et les risques aussi. Alors, on l'envoie. Une voix crédible. Une voix crédible. Et c'est pour ça qu'on l'envoie, parce qu'on se dit, s'il y a quelqu'un qui peut convaincre l'opinion publique, c'est Colin Powell. Et si les gens entendent Colin Powell dire, il faut aller en guerre, alors, les gens vont être plus facilement convaincus. Évidemment, Colin Powell fait une démonstration sur des renseignements erronés, incomplets, un peu tronqués. Alors, évidemment, c'est un peu ridicule par la suite quand on apprend vraiment d'où viennent ces informations-là et comment on les a un peu organisées. Du mauvais renseignement, mais plus que ça, une manœuvre. Une manœuvre. C'est une mise en scène, c'est une manipulation, c'est une tentative d'écran de fumée, autrement dit. Là, c'est un spectacle. Est-ce qu'il en est conscient, Powell? Dans quelle mesure, avec le recul, quelle responsabilité on peut lui attribuer? En fait, il y a plusieurs éléments. D'abord, Colin Powell, c'est un joueur d'équipe. Quand il a accepté de se joindre à cette administration-là, on allait chercher justement pour sa crédibilité, pour sa visibilité. Il faut se rappeler qu'il avait des ambitions présidentielles aussi à cette époque-là. C'est quelqu'un qui était très populaire et on savait que c'était un modéré et quelqu'un qui avait de l'expérience en politique étrangère et en affaires internationales. Donc, c'est un joueur d'équipe qui a accepté un rôle de civil dans cette organisation-là, c'était le secrétaire d'État. Et quand il était militaire et qu'il travaillait dans l'administration Reagan, il avait dit « Moi, j'aime pas que les civils viennent se mêler de mes affaires. » Alors, il s'est dit « Moi, comme civil, je ne me mêlerai pas des affaires des militaires. » Alors, si les militaires me disent « Nous devons y aller, nous sommes prêts », je m'y emploierai, je serai prêt. Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre un peu de ce qu'il a fait. Et il n'a jamais vraiment publié ses mémoires depuis, il n'a jamais vraiment parlé de cela par la suite. Alors, c'est difficile de voir ce qui l'a motivé et comment il a réagi à tout ça. Mais toujours est-il que c'était une manœuvre fort habile de la part de l'administration parce que les gens ont été convaincus jusqu'à un certain point de la nécessité, à tout le moins aux États-Unis. Voilà, les Américains achètent cette salade qu'on leur vend, que Colin Powell leur vend. Évidemment, du côté onusien, du côté de la communauté internationale, ça ne passe pas. Il n'y aura pas ce fameux feu vert qu'attend Washington. Mais qu'à cela ne tienne, l'opération Liberté en Irak est tout de même lancée dans la nuit du 20 au 21 mars 2003. The U.S. fired 600 cruise missiles at Iraq today. $600 million worth of technology. The British fired some too. The United States flew 1,500 missions today, 700 of which were bombing raids. So there you see it. You just saw it. You just heard it. We have no idea the extent of the casualties, no idea the extent of the destruction. What we have seen on television, though, is indeed the first phase of A-Day, the campaign called Shock and Awe. Petit montage de la couverture en direct du début de l'opération Liberté pour l'Irak à ABC et CNN le 21 mars 2003. À quoi va ressembler la couverture médiatique américaine de cette opération, Karine Prémont? En fait, cette couverture médiatique va être très patriotique, très complaisante, très axée sur ce que l'administration Bush va donner comme information. On va suivre le scénario de la Maison-Blanche, autrement dit. Et il y a plusieurs raisons pour expliquer ce phénomène-là. D'abord, chez les journalistes comme au sein de la population, on avait cette perception que la guerre était inévitable depuis le début. Alors, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait qu'on va aller en guerre, une fois qu'elle est déclenchée, il faut qu'elle soit gagnée, cette guerre-là. Alors, il ne faut pas miner le moral des troupes, il ne faut pas décourager la population, il faut soutenir les opérations militaires. Il faut soutenir les hommes sur le terrain, les hommes et les femmes sur le terrain, évidemment. Et c'est pour ça qu'on va mettre beaucoup d'esbrouf patriotique autour de ça. Les bulletins de nouvelles vont nous faire jouer de la musique très patriotique, très militaire. Il va y avoir ces drapeaux aussi dont on parlait précédemment. Et on va beaucoup mettre l'accent sur les soldats qui sont sur le terrain, justement pour susciter cette adhésion patriotique. Puis ce qui en rajoute une couche, c'est que ça va bien au début. Ça va très, très vite. Les progrès sont rapide. Ce fameux régime, cette dictature de Saddam Hussein, elle tombe rapidement. Il y a des symboles très forts aussi, là. La fameuse statue de Saddam Hussein qui est déboulonnée très rapidement, notamment. Donc, les médias ont un ton complètement triomphaliste. Oui, parce qu'on avait aussi en tête la guerre du Golfe, qui, en 100 jours, était terminée, avait atteint ses objectifs, avait fait très peu de victimes du côté américain. Donc, on avait en tête ce genre d'opération-là. Alors, quand George W. Bush est sur le USS Abraham Lincoln pour dire « mission accomplie », en mai, ben on pense que c'est terminé. Et les médias se sont dit, ben on a eu raison de faire ce qu'on a fait, on a bien fait notre boulot. Ouais. Au cours de la guerre en Irak, l'armée américaine va aussi utiliser cette fameuse méthode là où les journalistes sont intégrés aux troupes américaines, ce qu'on va appeler les embedded journalists. Mm-hmm. Ça va avoir un impact très important sur le type de couverture qui va ressortir de l'Irak. Ça va avoir un impact important parce qu'on parle de plus de 600 journalistes et caméramans qui vont être intégrés dans ces unités de combat. On a déjà utilisé cette méthode à plus petite échelle, là, notamment en Bosnie dans les les années 90. Mais là, vraiment, du côté du Pentagone, on continue cette espèce d'opération de relations publiques. On se dit, pour avoir les militaires de notre côté, ne reproduisons pas les erreurs du Vietnam en laissant les journalistes se promener sur le terrain. On va les intégrer de façon importante. Ouais. Et clairement, ça a un effet sur la couverture. Évidemment, les images sont spectaculaires parce qu'on est sur le terrain. Quoique durant les premiers jours, la plupart sont pris dans des tempêtes de sable où il ne se passe pas grand-chose. Mais quand on a des images, elles sont spectaculaires. Le problème, c'est que les reportages sont filtrés directement par l'armée. Ouais. Et les journalistes n'ont pas non plus cette vision globale du combat parce que tout ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils voient ouais. quotidiennement. Aucune distance non plus. Ils sont intégrés aux brigades de combat. Il y a un sentiment d'appartenance. Émotivement, ils sont liés aux soldats aussi. On ne ouais. va pas se mettre à critiquer les gens qui ont la charge de protéger notre vie, clairement. Ouais. Et aussi, on ne peut pas se promener comme on veut. On voit ce que les militaires veulent nous montrer, mais il y a cette charge émotive. On voit le courage des soldats sur le terrain aussi. Alors, on est toujours dans ce reportage émotif, humain, ouais. complaisant de ce qui se passe sur le terrain. Ça va commencer. Le vent commence à tourner à partir du printemps 2004. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe plusieurs choses. D'abord, le magazine Newsweek va rompre une des règles habituelles de couverture médiatique et va publier des photos des cercueils des soldats qui reviennent de l'Irak. Et ça, habituellement, on ne le fait pas. Mais là, les morts commençaient à s'accumuler du côté américain. Alors, on a publié ces photos-là. L'émission Nightline sur ABC va diffuser ensuite la photo des 720 quelques soldats qui sont morts depuis les débuts du conflit. Il y aura aussi cette fameuse bataille de Fallujah en avril 2004 qui va catalyser tout ce qui se passe mal pour les États-Unis. C'est là qu'on va se rendre compte, en fait, que sur le terrain, il n'y a rien de gagné, en fait. Ouais. Il y a encore des rebelles qui s'attaquent aux soldats américains. Il y a encore des reculs qui se font militairement. Donc, il n'y a pas de solution encore. Ce n'est pas définitivement gagné, cette guerre-là. Il y a le scandale de la prison d'Abu Ghraib, également, qui se produit en mai 2004, qui va scandaliser les États-Unis et le reste du monde. Et progressivement, ce qu'on va voir, c'est la diminution de l'appui à la guerre. Ouais. On passe de 72 % en mars 2003 à 67 % en janvier 2004, puis à 50 après ça, ouais. Après le scandale d'Abu Ghraib. Et étrangement, c'est en 2005, je dis étrangement parce qu'a priori, il n'y a aucun lien évident, mm-hmm. c'est lors de l'ouragan Katrina qui frappe violemment la Louisiane, la Nouvelle-Orléans en particulier, que tout va chavirer. Pourquoi? Quel lien faire entre Katrina et la guerre en Irak? Bien, cet ouragan en 2005, en août 2005, va démontrer tout d'abord l'incompétence de l'administration à évaluer une crise, ouais. à gérer les conséquences de cette crise-là, à agir rapidement surtout et à organiser aussi le secours et l'aide. Et donc, il va y avoir cette colère rétroactive, si on va à l'égard de l'Irak, parce qu'on se dit, si le gouvernement en place est incapable de gérer Katrina, comment ils peuvent avoir la prétention de gérer un conflit aussi grave et complexe que celui de l'Irak? Alors, soudainement, on va se mettre à se dire, ben peut-être que finalement, ils ne savent pas trop ce qu'ils font, ces gens-là, ouais. et les faits vont leur donner raison. Ouais. En terminant, quelles leçons? Est-ce qu'il y aura des leçons tirées de la part des politiques à Washington, de la part des directeurs de presse à Washington, à New York ou ailleurs? Bien, pour la Maison-Blanche, en fait, c'est une opération réussie en termes de relations publiques, évidemment. Là, on a quand même réussi à contrôler le message pendant à peu près 4 ans. Mais c'est 2006 qui va changer la donne parce que malgré la réélection de Bush à la présidence en 2004, les démocrates vont reprendre le contrôle du Congrès en 2006. Donc là, on va se mettre à entendre des voix discordantes et donc les médias vont se mettre à offrir une couverture médiatique plus diversifié. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Vietnam. On ouais. a suivi la ligne directrice des dirigeants jusqu'à temps que ceux-ci ne soient plus d'accord sur la marche à suivre. Et donc, en termes de leçons, ben, on n'a pas appris grand-chose entre le Vietnam et la guerre en Irak. Karine Prémont, collaboratrice régulière d'Aujourd'hui l'Histoire, merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.